بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons certes révélé, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, ô Mohammed, en te révélant ce Coran, bien qu'auparavant tu fusses du nombre de ceux qui sont inattentifs. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Lorsque Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne parle pas de ta vision à tes frères, de crainte qu'ils n'ourdissent un complot contre toi. Satan est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des événements. Il parachèvera sa grâce sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parachevé sur tes ancêtres, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est certes omniscient et sage. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين Il y a certainement en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent « En vérité, Joseph et son frère sont plus chers à notre père que nous ne le sommes, bien que nous soyons nombreux. Notre père est vraiment dans l'erreur. » L'un d'eux dit « tuez Joseph ou envoyez-le au loin, dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père ne se détourne plus de vous. Après cela, vous pourrez être des gens vertueux. » Puis l'un d'eux dit, « Ne tuez pas Joseph, mais si vous êtes disposé à agir, jetez-le au fond du puits, une caravane le trouvera. » قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ils dirent, ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph, alors que nous sommes bien attentionnés à son égard? Envoie-le faire une promenade avec nous demain, afin qu'il puisse s'amuser, nous veillerons sur lui. Il dit, en vérité, cela m'attriste que vous l'emmeniez avec vous, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore, alors que nous sommes si nombreux, nous serons vraiment les perdants. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Lorsqu'ils l'eurent emmené et qu'ils se furent mis d'accord pour le jeter au fond du puits, nous lui révélâmes, tu leur parleras sûrement de cette affaire, sans qu'ils se rendent compte. Ils vinrent à leur père le soir en pleurant. أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course entre nous, et nous avons laissé Joseph près de nos effets, et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras jamais, quand bien même nous te disons la vérité. Ils apportèrent sa chemise, tachée d'un faux sang. Il dit, non, votre âme vous a plutôt suggéré quelque chose. Il ne me reste plus qu'à m'armer d'une belle patience. C'est auprès de Dieu qu'il me faut chercher secours contre ce que vous racontez. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Puis vint une caravane. Ils envoyèrent leurs porteurs d'eau, qui fit descendre son seau dans le puits. Il dit « Bonne nouvelle, voici un jeune garçon ». Ils le dissimulèrent comme une marchandise, cependant que Dieu savait fort bien ce qu'il faisait. Ils le vendirent à prix dérisoire pour quelques pièces d'argent. Ils le considéraient comme indésirable. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. L'Égyptien qui l'acheta dit à sa femme, « Accorde-lui un séjour honorable. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme fils. » Ainsi, avons-nous établi Joseph dans cette terre afin de lui enseigner l'interprétation des événements. Dieu est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne le savent pas. Quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Or, celle qu'il avait reçue dans sa maison chercha à le séduire. Elle verrouilla les portes et dit « Viens ». Il dit « Je cherche refuge auprès de Dieu. Certes, ton mari est mon maître et il m'a traité de façon honorable. Certes, les injustes ne réussissent jamais. » Elle le désirait vraiment et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi fut-il, afin que nous écartions de lui le mal et l'indécence. Il était certes un de nos serviteurs élus. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Tous deux coururent vers la porte et elle lui déchira sa chemise par derrière. Ils trouvèrent son mari à la porte et elle dit « Quelle serait la punition pour quiconque a cherché à faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de sa famille à elle témoigna. Si sa chemise est déchirée par devant, alors elle dit la vérité tandis qu'il ment. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il dit la vérité. Alors, quand le mari vit que sa chemise était déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Joseph, détourne-toi de tout cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es certes fautive. » وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Dans la ville, des femmes dirent : La femme du gouverneur essaye de séduire son serviteur. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la voyons, certes, dans un égarement évident. Lorsqu'il entendit parler de leurs propos malicieux, elle leur envoya chercher et prépara pour elle un endroit confortable, remit à chacune d'elles un couteau et dit à Joseph « Sors devant elle ». Lorsque les femmes le virent, elles tombèrent en admiration, se coupèrent les mains et s'exclamèrent « Dieu nous préserve, ce n'est pas un être humain, ce n'est autre qu'un ange gracieux ». قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Elle dit : Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai tenté de le séduire, mais il s'est avéré chaste. Mais s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit : Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Si tu n'éloignes pas de moi leur ruse, je finirai par avoir un penchant pour elle et serai du nombre des ignorants. Son Seigneur exauça sa prière et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui entend tout et qui est omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Deux jeunes hommes entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « J'ai rêvé que je pressais du raisin pour en faire du vin. » Et l'autre dit « Et moi, j'ai rêvé que je portais sur ma tête du pain que les oiseaux venaient manger. Donne-nous l'interprétation de ces rêves, car nous te considérons comme faisant partie du nombre des bienfaisants. » Il dit « La nourriture qui vous est attribuée quotidiennement ne vous parviendra pas avant que je ne vous en donne l'interprétation. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit ni en Dieu, ni en l'au-delà. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous est jamais convenu d'associer à Dieu quoi que ce soit. C'est là une grâce de Dieu sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qu'est-ce qui est meilleur, divers dieux éparpillés ou Dieu l'unique, le Tout-Puissant ? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ceux que vous adorez, en dehors de lui, ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Dieu n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu, et il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion véritable, mais la plupart des gens ne le savent pas. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous versera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire au sujet de laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il dit à celui des deux, dont il pensait qu'il serait libéré, « Parle de moi à ton maître. » Mais Satan lui fit oublier de mentionner Joseph à son maître. Joseph demeura donc en prison quelques années. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Le roi dit, en vérité, j'ai vu en rêve sept vaches grasses mangées par sept vaches maigres, et sept épis de maïs vert, et sept autres épis secs. Ô notable, expliquez-moi ma vision si vous savez interpréter les rêves. Ils dirent, c'est un mélange confus de rêves. Nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des deux qui avait été libéré et qui après tout ce temps se rappelait, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, laissez-moi partir. » أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Lorsqu'il arriva devant Joseph dans la prison, il s'exclama, « Ô toi, Joseph, le véridique, explique-nous ce rêve de sept vaches grasses que mangent sept vaches maigres, ainsi que des sept épis de maïs vert et des sept autres épis secs, afin que je retourne auprès de ces gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Alors Joseph dit, vous sèmerez pendant sept années consécutives, comme d'habitude. Mais tout ce que vous récolterez, laissez-le en épi, sauf un peu que vous consommerez. Viendront ensuite sept années éprouvantes qui dévoreront tout ce que vous aurez amassé pour elles. sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens auront de la pluie en abondance et où ils iront au pressoir. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Alors le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui. Quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Le roi donc envoya chercher ces femmes et leur demanda : Que s'est-il passé lorsque vous avez tenté de séduire Joseph ? Elles dirent : Dieu nous préserve, nous ne connaissons rien de mauvais à son sujet. Et la femme du gouverneur dit : Maintenant, la vérité va sortir. C'est moi qui ai voulu les séduire, et il est vraiment du nombre des véridiques. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Alors Joseph dit, j'ai demandé cela afin que mon Seigneur sache que je ne l'ai pas trahi en secret. En vérité, Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Je ne tente cependant pas de me disculper, car l'âme incite au mal. À l'exception de celle à laquelle mon Seigneur accorde sa miséricorde. Mon Seigneur est pardonneur et plein de miséricorde. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Alors le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et après s'être entretenu avec lui, le roi lui dit, certes, tu occupes dès aujourd'hui, en notre présence, une position d'honneur et de confiance. Alors Joseph dit, confie-moi la gestion des dépôts de ce territoire, je suis certes un gardien avisé et intègre. Ainsi avons-nous donné à Joseph le pouvoir sur cette terre, et il en disposait comme il lui plaisait. Nous faisons descendre notre miséricorde sur qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien la récompense de leurs œuvres. La récompense de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui croient et se prémunissent. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ Les frères de Joseph vinrent et se présentèrent à lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Quand il leur eut fourni leurs provisions, il leur dit « Amenez-moi un frère à vous de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Si vous ne me l'amenez pas, il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous tenterons de convaincre son père. C'est ce que nous ferons, nous te l'assurons. » وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا Alors Joseph ordonna à ses serviteurs « Remettez dans leurs sacoches leurs marchandises avec lesquelles ils ont payé leurs provisions. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour parmi les leurs et reviendront-ils alors ?» Lorsqu'ils furent de retour chez leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc notre frère avec nous, afin que nous obtenions des provisions. Nous veillerons bien sur lui. » Il dit, « Devrais-je vous le confier, comme je vous ai confié son frère dans le passé ? Mais Dieu est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils découvrirent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que pouvons-nous demander de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Nous aurons ainsi plus de provisions pour notre famille, nous veillerons sur notre frère et nous recevrons en plus tout le chargement d'un chameau en grain. Et c'est une mesure gagnée facilement. » Il dit « Je ne l'enverrai jamais avec vous. À moins que vous ne preniez l'engagement formel, au nom de Dieu, de me le ramener, à moins que vous ne soyez cernés de toutes parts. » Lorsqu'ils eurent pris l'engagement, il dit, « Dieu est témoin de ce que nous disons. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il ajouta: Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes différentes. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre Dieu, car la décision n'appartient qu'à lui. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est à lui que s'en remettent ceux qui cherchent un appui solide. Lorsqu'ils entrèrent dans la cité, ils firent comme leur père leur avait commandé. Cela ne leur aurait servi à rien, en vérité, contre les arrêts de Dieu. Ce n'était en fait qu'un désir que Jacob avait voulu satisfaire en son âme, et il possédait de nombreuses connaissances que nous lui avions enseignées. Mais la plupart des gens ne savent pas. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Lorsqu'ils furent introduits auprès de Joseph, ce dernier retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'ils ont fait. » Puis, lorsqu'il leur eut fourni leurs provisions, il mit sa coupe dans la sacoche de son frère. Puis, un crieur annonça « Ô caravanier, vous n'êtes que des voleurs. » قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Ils se retournèrent en disant: Qu'avez-vous perdu? Ils répondirent: Nous avons perdu la coupe du roi, et celui qui nous la rapportera recevra la charge d'un chameau. Et Joseph ajouta: Je m'en porte garant. Ils dirent: Par Dieu, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur ce territoire. Nous ne sommes pas des voleurs. Les autres répondirent : Quelle sera donc la punition s'il s'avère que vous avez menti ? Ils dirent : La punition sera que celui dans le sac duquel sera retrouvée la coupe sera détenu comme esclave afin d'expier son crime. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Alors Joseph commença par fouiller les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il sortit la coupe du sac de ce dernier. Ainsi, avons-nous planifié les choses pour Joseph. Il ne pouvait arrêter son frère sur la base de la justice du roi, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons en degré de miséricorde qui nous voulons, et au-dessus de tout homme de savoir se trouve celui qui sait tout. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ils dirent: s'il a volé, un de ses frères a déjà volé avant lui. Mais Joseph garda en lui son secret et ne leur révéla point. Il se dit: votre situation est bien pire et Dieu connaît mieux ce que vous avancez. شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Ils dirent: ô gouverneur de ce territoire, certes, il y a un père très vieux. Alors prends l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es du nombre des bienfaisants. Il dit: que Dieu nous garde d'arrêter une personne autre que celle chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de le faire fléchir, ils se concertèrent en secret. L'aîné dit: ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom de Dieu et que vous y avez déjà manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père ne me le permette ou que Dieu juge en ma faveur. Et il est le meilleur des juges. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Retournez chez votre père et dites-lui: Ô notre père, ton fils a volé, et nous ne te rapportons que ce dont nous avons été témoins. Nous ne pouvions surveiller ce qui se passait à notre insu. Interroge les habitants de la ville où nous étions, ainsi que la caravane avec laquelle nous avons voyagé jusqu'ici. Nous disons réellement la vérité. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Et après qu'ils eurent parlé ainsi à leur père, Jacob dit: Non, mais ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré quelque chose. Il ne me reste plus qu'à m'armer d'une belle patience. Peut-être Dieu me les ramènera-t-il tous les deux, car c'est lui, l'omniscient, le sage. Puis il se détourna d'eux et dit: Que mon chagrin est grand pour Joseph. Et à force de pleurs et de chagrin, il perdit l'usage de la vue. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ils dirent: Par Dieu, tu ne cesseras d'évoquer Joseph jusqu'à ce que ta santé en soit ruiné, ou que tu sois parmi les morts. Il répondit: Je ne me plains qu'à Dieu de ma détresse et de mon chagrin, et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et renseignez-vous sur Joseph et son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent de sa miséricorde. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Lorsqu'ils revinrent chez Joseph, ils dirent: Ô gouverneur, le malheur nous a frappés, nous et notre famille, et la marchandise que nous apportons est sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et sois charitable envers nous. Certes, Dieu récompense ceux qui sont charitables. Il dit: Savez-vous ce que vous avez fait à Joseph et son frère par votre ignorance? Ils dirent: En réalité, serais-tu Joseph? Il répondit: Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Dieu nous a favorisés. Quiconque craint Dieu et est patient, très certainement, Dieu ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Par Dieu, en vérité, Dieu t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, point de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma chemise que voici, et passez-la sur le visage de mon père. Il recouvrira aussitôt la vue. Et revenez ensuite avec toute votre famille. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Dès que la caravane se mit en marche, leur père de son côté dit : je perçois certes la présence de Joseph, mais peut-être direz-vous que je radote. Ils dirent : par Dieu, te voilà certes perdu dans tes vieilles idées erronées. Puis, quand arriva le porteur de bonnes nouvelles, il passa la chemise de Joseph sur le visage de Jacob, et celui-ci recouvra la vue. Il dit alors : ne vous ai-je pas dit que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas ? قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Ils dirent : ô notre Père, implore pour nous le pardon pour nos péchés, car nous avons certes été fautifs. Il dit : j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, celui-ci accueillit ses parents et dit : entrez en Égypte en toute sécurité, si Dieu le veut. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Puis il fit monter ses parents sur le trône, et tous tombèrent prosternés devant lui. Il dit alors : ô mon père, Voilà l'interprétation de ma vision d'autrefois. Dieu l'a bel et bien réalisée. Il a été bon envers moi. Il m'a fait sortir de prison et il vous a fait venir du désert après que Satan eut semé la discorde entre mes frères et moi. Certes, mon Seigneur est plein de douceur envers ceux qu'il veut. C'est lui l'omniscient, le sage. Rabbi, qad ataytani min al-mulki wa'allamtani min ta'wil al-ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des discours. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon gardien ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en état de soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, ô Mohammed. Tu n'étais pas là avec eux quand ils concevaient leur plan. Et bien que tu le souhaites ardemment, la plupart des gens ne croiront pas. Tu ne leur demandes pourtant aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'humanité tout entière. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. La plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui attribuant des associés. Se croient-ils à l'abri d'être couverts par le châtiment de Dieu ou de la venue soudaine de l'heure, alors qu'ils ne s'y attendent pas? على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion de Dieu en me fondant sur des preuves claires. C'est aussi la voix de ceux qui me suivent. Gloire à Dieu, je ne suis point du nombre des associateurs. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous avons fait révélation parmi les habitants des cités. N'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui vécurent avant eux? Certes, la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne raisonnez-vous donc pas? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Lorsque les messagers étaient tout près de perdre espoir et que leurs adeptes se croyaient dupés, alors leur venait notre secours. Ceux que nous voulions sauver étaient épargnés, mais jamais notre châtiment n'aurait pu être détourné des criminels. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dans leur histoire se trouve certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point une affabulation, mais plutôt une confirmation des écritures qui existaient auparavant, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient.